être à la maison. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque. Je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque. Je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, bon, un et... Nino Ferrer, bien sûr, sur Allegre FM 93.1, chanté par The Ninos. Le The Ninos, c'est un groupe qui chante pour les enfants, Laurent Madio, Benoît Simon et Tom Poisson, et qui chante toujours dans le cadre du festival Festimum Orsay, cette fois-ci mercredi prochain à 15h, et il chante Nino Ferrer. Gaëtan, bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on va continuer autour des objets culturels de l'enfance, les jeux de société. Et comme à chaque fois, et j'aime bien parce que vous arrivez avec vos jeux, que vous étalez sur la table. Quoique là, vous avez fait sobre hein, ce matin, ce ne sont que des cartes. J'en ai gardé un gros cachet. Ah bon, d'accord. Pour commencer, et on va y revenir par la suite. Ben donc, un peu à l'instar de la rentrée littéraire qu'on a souvent en septembre, moi je reviens de la rentrée ludique, donc avec le plus gros salon mondial qui s'est déroulé à Essen en Allemagne, donc vraiment tout près de Düsseldorf dans la Ruhr, donc en plus qui est cette année la région culturelle européenne. Donc avant, il y a quelques années, Lille a été la ville culturelle européenne. Et donc là maintenant, en fait, c'est une région, il y a tellement de villes dans cette région. Donc en plus, ils ont un peu rebondi là-dessus. Et donc voilà, sur un salon comme ça, nous, il y a à peu près 500 sorties. Donc moi, j'en ai profité pour aller démarcher des éditeurs pour les jeux du concours. Donc nous, dans le cadre de l'association, pour ceux qui ne savent pas, on organise un concours de création. Enfin, redites un peu mieux l'association. Oui, alors dans le cadre du Centre National du Jeu. C'est vrai que ça fait longtemps, les vacances sont passées, j'ai perdu mes habitudes. Donc voilà, dans le cadre du Centre National du Jeu, donc nous, il y a toute la partie ludothèque. Donc là, qui est plus courante, que tout le monde connaît. Et si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir sur le net en tapant ça. Enfin, ludothèque, vous allez tomber sur le site de l'ALF, l'Association des ludothèques de France ou d'Île-de-France, la LIF, et trouver des adresses qui vont vous permettre de jouer près de chez vous, d'amener vos enfants, dans des lieux où il y a un encadrement de professionnels et qui vont vous expliquer des jeux. Donc nous, on a toute cette partie, on a aussi une partie culturelle, donc notamment une collection de 12 000 jeux qui date de 1840 à nos jours et grâce à laquelle on monte des expositions, on prête, on a intervenu auprès du CNHI, la Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration, cet été, donc j'ai fait beaucoup d'animations. Là, on prête des jeux à la Villette dans le cadre d'une exposition sur la science-fiction. Et la deuxième partie culturelle, c'est le concours de création. Donc voilà, on aide les auteurs, donc on est vraiment associatif. Donc voilà, il y a un concours de création, chaque année on reçoit à peu près 200 règles, on les lit, on teste ça. Et puis, on essaye de faire, tant bien que mal, une sélection de finalistes qu'on va présenter à des membres du jury pendant 3 jours, qui vont primer 4 jeux. Et après, il y a tout le travail de démarchage. Donc là, pour le coup, à l'opposé des agents, on ne prend rien. C'est vraiment l'aide à la création. Une fois qu'ils ont un pied dedans, ils n'ont plus le droit de participer au concours, sauf qu'avec un jeu. Mais généralement, de toute façon, ils ne participent plus parce qu'une fois qu'ils ont un jeu édité, ils ont des bons contacts, ils n'ont plus besoin de nous. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Là, on va sur le salon. Donc une semaine après la remise des prix, sur 4 jeux primés, 2 sont déjà signés. Et là, au retour d'Allemagne, il y en a un, mais d'édition précédente. Donc c'est du bon boulot. C'est des bonnes nouvelles, toujours. Alors, tous ces jeux. Donc, du coup, j'ai pas eu trop le temps de flâner sur le salon, vu qu'on enchaînait les rendez-vous. Mais il y a quand même quelques petites nouveautés. Donc déjà, là, c'est vrai que je suis dans les formats cartes. Le format boîte métal qu'on affectionne toujours autant, qui est assez agréable. Donc, on va commencer par Surprise, qui est un jeu de la gamme Cocktail Games. Alors, on voit un petit kid en bas à gauche, ceux qui connaissent. C'est format carré, du 12 sur 12, je crois, des petits carrés. Donc voilà, Cocktail Games, c'est un jeu de Jean-Marc Courtil, illustré par Amandine Pugh. Donc je me suis renseigné un petit peu. Bon, elle a un très beau site, mais autrement, je ne connais pas elle trop. Elle n'a pas fait de livre encore, non? Non, sûrement. Peut-être, mais pas à ma connaissance. Oui, moi non plus. Donc voilà, là on est dans un petit jeu à la thématique toujours aussi poétique, donc on approche de Noël, on a chacun des, enfin il y a au centre, donc c'est vraiment que des cartes, hein, des lutins qui vont nous aider tout au long de la partie. Donc les illustrations sont assez marrantes, il y a 3 types de lutins, hein, qui se grattent le menton en regardant les yeux au ciel, donc lui qui a un trou de mémoire, donc il va nous aider pendant la partie, un joker. Et on a surtout des listes de jouets. Donc là, j'en ai dévoilé une en début de partie, qui est commune à tout le monde. On va tous tenter de chercher ça. Donc un ballon, une poupée, un livre et quoi ? Un cheval à bascule. Donc là, j'ai oublié une carte. Ce qui est intéressant, en fait, là, j'ai fait une répartition, voilà, un petit peu différente. C'est qu'on a une répartition pour les plus jeunes, c'est-à-dire à partir de 4 ans. Et on a un jeu qui va être un peu plus intéressant, même entre adultes. Voilà, parce que c'est un jeu de mémoire. Et les enfants sont souvent très doués, beaucoup plus que nous. Donc là, les quatre éléments que je viens de citer, le ballon, la poupée, le cheval à bascule et le livre, il faut les trouver. On a 9 cartes étalées, 9 cartes jouées, qui sont un peu la haute, enfin, qui représentent la haute du Père Noël. Et puis, ben, nous, on va essayer de compléter cette liste de souhaits. Donc, je retourne une carte, je tombe sur le ballon. Donc, elle est dans la liste de souhaits. Je peux continuer. Je peux aussi m'arrêter. Bon, généralement, les enfants, quand ils ont bon, ils ont tendance à ne pas s'arrêter. Voilà, ils vont plus loin. Mais si on veut, on peut s'arrêter parce qu'on se dit que bah, oui, il y a peu de chances que je trouve les trois autres comme ça en début de partie. Donc autant, si je m'arrête, je la laisse visible, mais je vais laisser l'autre faire les erreurs. Et quand ça reviendra à moi, je pourrais peut-être tenter. C'est une sorte de jeu de mémoire. Voilà, tout à fait, un jeu de mémoire. Mais sauf qu'il n'y a pas de paire. Donc là, j'ai le ballon. Bah, je vais tenter de trouver un des trois autres éléments, la poupée, le cheval à bascule ou le livre. Oh, vous avez beaucoup par de chance, ce en matin. Plus j'ai tout passé aléatoirement. Voilà, je retourne une autre carte, le livre. Ouais. Je continue. Ah, le nounours. Alors, le nounours n'est pas sur la liste de vœux. Je recache tout. Donc là, bien entendu, vous avez mémorisé les éléments. Donc c'est à vous. Alors, de j'y vais très compléter. Vite. Hein, parce voilà, que on a un petit. On va dire. Un livre, un ballon. Non, ça, je l'ai retourné. C'était le nounours. Ça, là. Ah, mince, donc là, il faut retourner autre chose. Ou la poupée, voilà. Là, donc il ne manquerait plus que le cheval à bascule. Je continue, parce que c'est bientôt Noël, je suis pressée d'avoir d'autres. Voilà. Voilà. Bon, là, c'est une voiture, c'est raté. Mais dès que si vous aviez trouvé le quatrième, le cheval à bascule, vous gagnez la carte de vœux, qui est le d'accord. but de la partie, d'en gagner un maximum. Mais ce qui est bien, en fait, c'est que vous allez donner à un autre joueur le lutin, à un des perdants. Donc, quand on joue qu'à deux, ce qui est possible, vous allez me la donner. Et j'aurai un avantage par la suite dans la partie. Je pourrai l'utiliser, il m'aidera. Donc, le petit lutin, trou de mémoire, bah, va m'aider. Si à un moment, je me trompe, oh, trou de mémoire, je le défausse. Donc, je me sépare de la carte et puis je vais retenter. La partie dure combien de temps ? Oh, là, on est vraiment dans du. Entre 10 minutes de partie. C'est à partir de. Alors, il indique 6 ans, mais avec la variante, voilà. Enfant, 9 cartes, c'est 4 ans. Donc, un peu plus corsée. Pour 2 à 5 joueurs, donc toujours, voilà. Ça, on et puis, effectivement, comme vous dites tout à l'heure, quand même, les enfants ont un œil de lynx. Oui, c'est vrai. Ils ont une très bonne mémoire. Motivés par les jouets en plus. Voilà. Alors, sachant qu'après, voilà, cet éditeur fait toujours les choses de façon assez rigolote. Donc, on a, voilà, bon, la règle déjà est quand même assez bien expliquée, même pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire une règle. Et puis, on trouve deux petites cartes d'anecdotes sur Noël. Donc, même si on n'est pas tout à fait à l'approche de Noël, qui sont toujours assez marrantes. Alors, il y en a une que j'ai beaucoup aimée, je peux la lire. Donc, des faits réels. Hein. En Suède, cadeau de Noël se dit Jokaplar. Bon, excusez-moi pour mon suédois. Ce qui signifie coup de Noël, car il y a très longtemps, on donnait des coups très forts sur la porte de celui à qui on destinait le cadeau. Quand la porte s'ouvrait, on jetait le cadeau à l'intérieur et on se sauvait sans être connu. Aujourd'hui, après le dîner, on attend le Père Noël qui annonce sa venue en frappant à la porte et en disant « Est-ce qu'il y a des enfants sages ici ?» Les cadeaux sont accompagnés de petits poèmes, souvent très drôles, qui sont lus à haute voix. On revient sur les traditions. Oui, bah, j'ai trouvé ça en fait très amusant. Oui, c'est drôle de glisser ça dans une boîte. Voilà. Lui, en fait, souvent, il y a une recette aussi d'un gâteau pour Noël. Donc voilà, souvent, il s'amuse à... En fait, c'est énormément lié au packaging. Vu qu'on a des planches de tirage pour les éditeurs qui vont souvent être de 50. Alors, il y a des formats, hein, 55 cartes. Donc, s'il leur faut 52 cartes pour leur jeu, il va falloir qu'ils aillent. De toute façon, c'est une planche de 56. Donc, ils ont 4 cartes. C'est soit vierge, ce qu'on trouve, soit des cartes personnalisables. Voilà. Soit ils les remplissent avec des choses plus ou moins amusantes. Surprise. Ensuite. Donc, ensuite, bah, on a un petit jeu. Alors, très poétique encore. On reste dans la poésie, qui est « Au pays des papas ». Donc, c'est un jeu de Dominique Erard, qui est vraiment un auteur très reconnu en France et même plus connu en tant que peintre. Voilà, parce qu'il tourne énormément, il fait énormément d'expositions. Il a un univers vraiment à part. Alors, je ne m'y connais pas assez en peinture, donc après, là. Mais si vous êtes férus, n'hésitez pas à aller voir sur son site. Dominique Erard, l'orthographe est un peu particulière, c'est E-H-R-H-A-R-D. Voilà. Donc, ça, c'est... Donc là, on est pareil, dans un petit jeu, un petit boîtage, carton, voilà. C'est un jeu chez Zinzin, une petite game box. Eh oui, je l'aurais su, vous me l'auriez dit, au Pays des Papas, c'est aussi un CD, Didier Sustrac. Et c'est ça que je regardais de prendre dans la boîte, c'est accompagné d'un CD, ils y font écho, et d'ailleurs, il vient de reparaître chez Enfance et Musique. D'accord, c'est bien ce que j'ai vu sur le site, mais du coup, ne connaissant pas, je me suis dit que c'était peut-être une sortie simultanée. Donc, ça existe depuis longtemps ? Le CD est sorti il y a un an à peu près, et puis d'accord. Là, il vient tout juste de reparaître chez Enfance et Musique. Bah, c'est à peu près pareil, parce que c'est sorti dans l'année. Donc là, on a un jeu pareil, 2-4 joueurs, 5 ans, et avec deux magnifiques illustrations de Marie Cardois, qui a, pareil, illustré un paquet de jeux, maintenant, on peut dire. Voilà, notamment refait l'illustration de Dixit, qui est le jeu de l'année, qui a remporté le Spiel, qui est un jeu où on va créer des histoires. Et ça a surpris tout le monde que ce soit même primé au concours le plus prestigieux au niveau du, enfin, mondialement parlant, qui est le concours allemand. Et du coup, voilà, c'est très poétique. C'était d'ailleurs étonnant à Essen de voir un public qui a l'habitude de manipuler, nous on appelle ça des pions. Voilà, c'est des jeux avec une multitude de cubes, des jeux parfois de gestion. Où on est impressionné aussi de voir que, au niveau culturel, eux, des enfants de 8 ans vont se mettre à une table et puis sur un salon et lire la règle. Ils sont deux enfants de 8 ans et lire une règle de 8 pages. Voilà, avant de se lancer. En France, sur les salons de jeux de société, on est encore loin. Donc, bref, pas mal d'illustrations. On a exactement 8 familles. Donc, un peu pour représenter la diversité et le type de papa qu'on peut avoir. Alors, je ne les ai pas tous en tête, mais on a le papa poule, le papa boulot, le papa sportif, papa bricolo, papa débordé, papa intello. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout survolé. Donc, on va étaler toutes les cartes en vrac. Ce qui est bien, c'est qu'il y a zéro préparation. Donc, voilà, les 48 cartes sont étalées face cachée sur la table. On met un petit bazar, ce qui est toujours agréable pour les enfants. Et puis, le premier va tirer une carte. Alors là, on reconnaît quand même assez facilement, hein, c'est pas le papa boulot. Là, il est avec un ballon de basket accompagné d'enfants qui font un petit peu d'aérobic dans un gymnase. Donc, j'ai le papa sportif. Je peux toujours donc soit la prendre, soit la reposer. Bon, la première, généralement, je peux la prendre. Et pareil, je décide de m'arrêter ou de continuer. Si je continue, je peux toujours prendre. Donc, si c'est la même famille, tant mieux, parce que le but, c'est de faire la plus belle brochette de papa, en fait. Donc, j'ai le droit de changer de famille. Mais là, j'étais en papa sportif. Là, alors, j'ai le papa intello, qui est en train de faire... Un petit peu sur les clichés, un petit peu sur les clichés. Et le CD, c'est peut-être pareil, non? Ça utilise... Non, puis surtout, il y a la chanson, c'est plus... Oui. Enfin, effectivement, on est quand même dans ce domaine-là, bien sûr, sur des portraits assez typés, on va dire. Et du coup, là, en fait, en tirant le papa intello... Comme je mets fin, je l'aligne en le posant à côté du papa sportif, je mets fin à ma famille de sportifs, donc je ne pourrai plus piocher de sportifs. Si je pioche un sportif plus tard, je ne pourrai pas le rentrer dans ma famille. Donc après, le but, c'est d'aligner un maximum d'un même papa à la suite avant de commencer une autre famille. Et en fin de partie, on regarde qui a la plus belle brochette de papa. Donc c'est vraiment très facile, mais là, souvent, moi, je sais qu'en animation, même on s'en sert... pour raconter des histoires. Alors c'est pareil dans l'imagerie, pour revenir, parce que je suis pas certain d'avoir retenu votre prénom, mais donc Mathilde. C'est Mathilde, oui. Là c'est pareil dans l'imagerie, c'est toujours assez impressionnant parce que on a des illustrations. Là par exemple, le papa bricolo, c'est une personne de couleur, et ça dans les jeux, d'une part, si on remonte à il y a plus de 60 ans, on le trouvait pas du tout. Donc le brassage ethnique n'était pas du tout représenté, sauf justement dans les colonies. On a beaucoup de jeux qui traitent de l'Empire français ou alors tous les porteurs dans les safaris qui étaient organisés. Et justement, où c'est marrant encore sur l'imagerie, c'est il y a 60 ans, les jeux c'était des safaris. Et aujourd'hui, un même jeu, la même mécanique est rééditée avec le nom Protégeons les animaux. Et au lieu de les tuer, on doit les protéger en les récupérant des braconniers. Donc vous allez faire affaire avec Mathilde. Hein. Oui, tout à fait. Elle va voir les jeux et les livres. Là, la recherche va s'ouvrir. C'est vrai que c'est intéressant parce que justement, un même schéma peut être utilisé et puis exploité un peu en fonction de l'air du temps. Quoi. Ça, c'était Au pays des papas, un petit jeu donc chez Zinzin, édité par Gamebox. Voilà, je rappelle, de Dominique Erard et de magnifiques illustrations de Marie Cardois. Donc voilà, peut-être un petit poil, on est plus dans la caricature, comme vous disiez, les stéréotypes. Oh. Mais après, c'est poétique et les enfants vont très facilement parler autour d'un jeu comme ça, même au-delà du jeu, en fait. C'est ce qui est toujours agréable. On va faire la partie et puis, mais mon papa, il ressemble plus à ça. Et puis, ils vont se dévoiler un petit peu. Donc, parfois, ça permet un petit peu d'ouvrir les petits bouts grâce à un jeu. Ce qu'on dit souvent, en fait, ça permet, nous, quand on intervient dans des écoles... C'est souvent pour ça, en fait, qu'ils font appel à nous. Il y a des enfants qui ont des problèmes d'élocution. Alors, souvent, il y a une timidité. C'est pas évident d'arriver en CP. Nous, un an de jeu où on va avoir 2 heures de jeu par semaine, les profs voient une réelle évolution alors qu'on travaille, en fait, sur rien de particulier. On les fait jouer. Vous ouvrez des champs dans lesquels ils peuvent s'exprimer. Après, ils sont totalement libres de moins parler. Donc, on va amener aussi des jeux pour les mettre à l'aise, des jeux de mime où il n'y aura pas besoin de parler. Voilà, des choses qui vont, qui vont faire plaisir à tout le monde. Bon, et enfin, le dernier jeu, donc là, enfin, le dernier petit jeu, parce qu'il y en aura un gros. Donc là, qui est chez Asmodée, la multinationale française, c'est Double. Donc là, on n'a pas réellement d'auteur, encore pour... voilà, on est dans la démarche souvent des multinationales, bien qu'elles éditent des jeux d'auteur, mais là, voilà, c'est développé en interne. Donc, et souvent, il n'y a pas de reconnaissance ou moins de l'auteur. Idem pour l'illustrateur. Bon, après les graphismes, là, on est plus dans de la PAO que de réelles illustrations. Mais le principe est très marrant. On a plein de cartes. Alors, il y a plus de 40 illustrations, enfin de dessins différents. Donc là, j'en retourne une. On a un trèfle vert, une paire de ciseaux violettes, un bonhomme de neige, une clé de sol qui est orange. Un petit cheval qui est noir, un fantôme, une goutte d'eau, un cœur. Donc généralement, voilà, c'est ça. Il y a 8 éléments sur une carte. C'est quand même assez fourni, varié en couleurs. Donc pour s'y retrouver, c'est pas évident. On va chacun avoir une carte. Donc là, je vais faire jouer tout le monde, Mathilde aussi. On va la retourner simultanément à 3. Attention, on ne triche pas. 1, 2, 3. Et le but, ça va être de retrouver par rapport à la carte centrale l'élément que vous avez en commun et le citer. Le cheval. Voilà, le cheval. Vous continuez, donc vous prenez une autre carte, on la place au centre. Donc nous, ça change, ça va très vite. Donc moi, ça m'a embêté. Moi, c'est un sens interdit. Ah voilà, la cible. C'est parfait. Et on continue comme ça. Donc il faut identifier, moi, le sens interdit pour le coup. Et être le premier à réussir à se débarrasser de toutes ces cartes. Et on voit que c'est pas évident, parce que les formes ne sont pas de la même taille. Donc là, pourtant, on bloque un petit peu. À la bougie. Voilà, la bougie. Et voilà. Donc le principe, c'est vraiment très simple. Les petits peuvent jouer. Donc là, par contre, sur la conception, c'est vraiment plus difficile. Parce qu'en fait, toutes les cartes ont toujours en commun, et il y a quand même plus de 55 cartes, un élément. Or, avec plus de 40... C'est dessiné en tout petit. Voilà. Et la taille varie. Donc voilà, là, c'est un jeu plus... Ce qui est intéressant avec ce genre de jeu, c'est qu'on peut jouer en famille. Ça n'a pas de connotation enfant, peut-être... comparativement aux deux jeux précédents, c'est vrai que Gagne ton papa est surprise. Parfois, les adultes un peu réticents au jeu et puis voilà, qui pensent que c'est vraiment que pour les enfants, vont plus se plonger sur un double facilement, sur un salon, ça fonctionne très bien. Et aussi avec des enfants qui aiment bien mettre la pâtée aux parents parce que voilà, ils observent très vite. Alors voilà, ça c'est double. Ce qui est agréable aussi, c'est que là, on a essayé qu'une version qui était le puits. Donc voilà, on devait se défausser dans le puits central, en fait, de toutes nos cartes. Mais il y a aussi 4 autres règles, le cadeau empoisonné, la patate chaude et ainsi de suite. Toujours avec le même matériel. Et donc, à jouer avec les petits et les grands. Voilà. Gaëtan, on va passer directement au gros jeu. Si on écoutera le disque que vous avez apporté à la toute fin de la chronique, parce que le pas temps file problème. Vite. Alors et en plus, je suis curieuse de voir de ce qu'il y a dans cette grosse boîte. Alors, c'est Water Lily, de l'éditeur Gameworks, un éditeur suisse qui fait un travail magnifique, en fait, le renouveau du jeu français est en train d'arriver. Alors, on était très réputés dans les années, au début du siècle et puis dans les années 50. Merci. Et du coup, on revient à une qualité qui fait beaucoup d'envieux, notamment chez les Allemands, où on a une création riche, mais la qualité du matériel est parfois pas au rendez-vous ou plutôt bâclé. Bon, c'est pas pour autant que le jeu n'est pas bien, puisque c'est la mécanique, mais voilà. Ici, en France, il y a une réelle reconnaissance des illustrateurs. Donc voilà, un jeu assez étonnant quand même, parce que premièrement, voilà, on ouvre la boîte, c'est riche en matériel, et on se sert du couvercle et de la boîte pour jouer. Donc, on ouvre la boîte, il y a un thermoformage, vous savez, c'est souvent du carton ou du plastique moulé à l'intérieur qui permet de caler les pièces. Et bien là, c'est 5 pentes qu'on va recouvrir pour ne laisser apparaître qu'un petit bout. Et surtout, on met des plateaux avec plein de nénuphars. Mais qu'est-ce donc, Water Lily? Eh bien, c'est une course de grenouilles. Voilà, une course de grenouilles. Donc, la mise en place... Tout tombe. Ah oui, tout tombe. C'est les grenouilles qui sautent. Voilà, on fait des piles de grenouilles. Et le but, on a chacun une couleur de grenouille face cachée. Donc, je donnerai l'auteur et tout après. Hein, je suis allé un petit peu vite. Donc, voilà, qu'on ne montre pas. Bien sûr, on prend connaissance face cachée de sa grenouille. Et le but, ça va être de faire marquer un maximum de points à toutes ces grenouilles pour les faire arriver. Mais ce serait trop facile. Il n'y a que, donc on regarde, 5 pistes. Quand on va arriver au bout d'une ligne de nénuphar, on va pouvoir glisser notre jeton, ça fait un bruit d'ailleurs très agréable, sur une des pistes. Bien sûr, ces pistes sont cachées. Le premier jeton arrivé marquera qu'un point en fin de partie. Le deuxième, 2 points. Troisième, 4, 3 points. Quatrième, 4 points. Mais il n'y a que 4 places. Si on arrive après, on ne prend aucun point. Donc, le but est d'essayer d'arriver dans les 4 premiers sur une des pistes, sachant qu'après, le fonctionnement est vraiment très simple. On a une pile de grenouilles. Au début, 5 piles de 4 grenouilles. Donc, nous, on a nos couleurs face cachée. Voilà, les pions tout ronds en bois. Et bah, si je prends une grenouille au-dessus, je ne peux déplacer que celle du dessus, je vais pouvoir me déplacer d'autant de nénuphars que la hauteur de la pile. Donc, sur une pile de 4, voilà, je prends la grenouille bleue qui est au sommet d'une pile et je la déplace jusqu'à 4. Donc, moi, là, j'ai envie de la déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. Bon, je dévoile un peu mon jeu parce que, par exemple, je ne suis pas bleu. Donc, j'avance beaucoup la grenouille bleue pour qu'elle arrive en première dans une des fentes et ne marque pas beaucoup de points. Donc, un petit principe de mémoire. C'est un croisement de quoi ? De jeu de mémoire ? De jeu un petit, de oui, alors, dame ? De jeu on appelle précision. Ça du jeu de parcours, en fait. Jeu de dame... Non, je ne sais pas pourquoi elle saute. Alors, ce qui est agréable, en fait, c'est qu'en jouant, on a vraiment la sensation de déplacer des grenouilles. Avec les enfants, c'est souvent marrant. Ça fait des petits bonds, elles sautent dessus. Le matériel est assez agréable. Alors, on m'a déjà dit que certains n'aimaient pas le visuel sur les pions, voilà. Pas très lisible, peut-être. Peut-être. Ou... Mais bon, c'est des voilà. petits détails. Après, ouais. Mais la réalisation est vraiment très agréable. Donc là, on est dans un jeu qui a une trentaine d'euros. Pareil, qui peut se jouer de 2 à 5, qu'on trouve quand même en 6 langues, parce que bah, ces Suisses sont vraiment polyglottes. Donc voilà, à partir de 5 ans, je crois que j'ai tout dit. Non. Joueurs ? Voilà, 2 à 5 joueurs. Dominique Erard. Encore Dominique Erard. Donc j'ai même vu sur la boîte écrit en gros. Et l'illustrateur, la Vincent Dutray, que vous connaissez peut-être oui, pour le coup. Qui a fait voilà. beaucoup de livres pour enfants. Beaucoup de livres, donc lui qui commence à être vraiment très reconnu. Dans voilà, les illustrations de jeux de société. Donc ça, vraiment à conseiller. On n'est pas dans le même budget que les jeux précédents, mais une durée de vie énorme. Et pareil, ça, on le sort, sauf les personnes vraiment réticentes, parce que le visuel va être un petit peu enfantin. Mais autrement, généralement, en famille, on s'amuse vraiment beaucoup. Et bien voilà, plein de séances de jeux en perspective. Je c'est bien, avec vous, on découvre toujours des nouveaux jeux très divers. Donc, Surprise, Au pays des papas, Double et Walter Lily. Water Lily. Le nom de la grenouille. Gaëtan, merci beaucoup. Et au mois prochain, ça sera la sélection de Noël, bien oui, évidemment. Oui, tout à fait. Merci. Se você faz qui se baladait tout doucement dans la forêt. Il portait sur son dos un petit perroquet qui s'appelait Jaco et qui buvait du lait. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre juste avant notre petite jingle de l'éléphant, Gaëtan ? Donc c'était Raoul, un auteur brésilien, voilà, très réputé, avec des chansons toujours assez festives. Merci beaucoup. De rien.